Frank des Toubis Schtroumpfs qui est rentré chez lui comme une petite larve. Le public l'a dégagé à grands coups de SMS dans son fion. Mais pour l'heure, voyons comment son départ s'est déroulé. Alors je tenais à vous dire que vous allez tous me manquer énormément. J'ai vécu des moments formidables ici et j'ai beaucoup de mal à vous quitter, je sais pas pour vous mais... Ouais ouais, nous aussi ouais. Ah c'est horrible, n'en parle pas. On va avoir du mal à s'en remettre. Tu pars, hein. Voilà voilà. Bon bah je pars alors. Ok, salut hein. Bon les schtroumpfs, c'est l'heure du repas. Ouais. Ne sois pas triste de le voir partir, ma schtroumpf. Tu le reverras à Paris. Mais c'est pas ça. Il est parti avec ma bosse à dos. Pendant que nos schtroumpfs déjeunent tranquillement, Castal Schtroumpf se tue de servir le commandant du camp. Alors, mon bon Castal Schtroumpf, que me conseillez-vous aujourd'hui? Je ne saurais vous conseiller, mon commandant. Je ne voudrais pas me tromper. De plus, je n'ai pas le palais assez fin. Bon, bah donnez-moi ce que vous prendriez, vous. Vous ne pouvez pas manger comme moi. Je n'ai pas votre valeur ni votre éclat. Bon, Castal Schtroumpf, j'ai faim. Donnez-moi un truc simple. Bon, je fais simple. Et voilà mon général. Un petit plat en toute simplicité. Grive à la broche façon napolitaine à sa julienne de légumes accompagnée d'une sauce aux trois poivres. C'est pour vous, bon appétit. Pendant ce temps, notre soldat Jean Schtroumpf, qui s'est découvert l'âme d'un combattant, décide de s'automotiver. Bon allez Jean, tu te laisses pas abattre, t'es un winner, t'es un guerrier, t'es le king, t'es invincible, t'es le roi, personne n'arrivera à te faire partir d'ici. Tout le monde a besoin de toi, personne t'arrive à la cheville, t'es un malade, le premier qui te cherche, tu te défonces, tu lui fracasses la tête. Recrue, rouge troupe, vous tombez bien, corvée-le. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens qui te schtroumpf là? Hein? Le schtroumpf fait tomber, le schtroumpf fait tomber, le schtroumpf my wife. Arrêtez, arrêtez, c'est de la télé, c'est pour déconner. Voilà, nos recrues sont en train de péter les plombs, exit les caméras, leur vraie personnalité se réveille. Ah, elle commence à me plaire cette putain d'émission de mes deux. Va